L'association de collaboration des Coréens en Allemagne a publié le 13 une déclaration pour féliciter les succès au 7e congrès du Parti Travail de Corée. Elle indique que le 7e congrès du Parti Travail de Corée a proclamé dignement à tous les compatriotes et au monde de mettre sur pied une puissance réunifiée par la grande victoire de la politique de Sung-un et que c'est un événement séculaire ayant mis un terme à la chimère téméraire des États-Unis.